Et casser Bamako, ça veut dire casser les Russes, la présence russe. Cette opération-là qui, on voit bien la réaction des Allemands et la réaction des Français. Pour moi, c'est les Américains qui sont derrière. Et la MINUSMA, ça a été reconduit, bien sûr, pour. C'est le déploiement de l'OTAN, la MINUSMA. Et ça, j'arrête pas de le dire. Tout ce qui est Barkhane, tout ce qui est MINUSMA, MINUSCAL, MINURSO, tout ça, tout ce qu'on trouve en Afrique, ce sont des forces de l'OTAN qui se sont redéployées et toutes les raisons sont bonnes pour qu'elles restent là. Donc, le message que je veux faire passer à nos amis maliens, c'est qu'il faut qu'ils fassent très attention à ça. Afrique Média, le monde, c'est nous.